Tu vois la différence entre faire un sweep en palmute et un sweep où les notes sonnent? Le palmute sur les trois notes là de sweep, et la dernière note tu l'as fait sortir, c'est joli. T'as l'impression que la note a crié, t'as fait je sais pas comment t'expliquer, mais tu dois l'entendre. Mais non, il n'y a pas de truc. C'est à toi de t'entraîner à ça. Moi j'y ai passé du temps et puis je me suis aperçu, ça sert à rien de jouer vite, faut jouer lentement, faire sortir chaque note. Il faut que chaque note soit belle. Et comme ça tu prends tous les bons réflexes de mémoire avec des notes qui sont jolies et belles. Et le bout que tu mets en jouant lentement, bah quand tu joues plus vite, et bah t'arriveras à le faire. Voilà, ça c'est mieux ça. Faut la faire crier la note. Je fais le vibrato ralenti pour que tu entendes la hauteur que ça monte, et après il faut le faire, mais très vite. Chose, tu chopes ce truc. Moi je l'ai fait choper à des guitaristes là, qui justement leur bend était mauvais. Ben, il faut des bends justes. Donc moi j'ai comment dire teaché des guitaristes dans le coin là. Justement, ils disaient merde, quand tu fais sortir les notes avec eux parce que ça sent pas, c'est pas, je dis, parce que t'as pas le coup de médiator, et puis tu mets pas, comment dire, tu mets pas du cœur avec le doigt. Faut vraiment, si t'as le bon vibrato, le bon bend juste, t'as pas un bend qui pleure. C'est pour ça que les vibratos, faut les travailler lentement pour bien entendre la justesse. Et si tu arrives à le faire vite, le vibrato après, c'est magnifique. Et ça change toute la différence. Toutes tes notes à l'aigu, elles sortent après. Parce que quand tu montes sur ton manche, il y a beaucoup de guitaristes qui trouvent que à l'aigu, ça sort pas, tout, c'est pas assez fort. C'est simplement les mecs qui attaquent pas assez fort, c'est tout. Moi, j'attaque avec l'annulaire quand je fais cette note-là. Des fois, je fais. Eh, j'y arrive avec le petit doigt, des fois, parce que des fois, j'ai tellement de notes à faire que c'est avec le petit doigt que je termine, mais je l'ai travaillé pour le faire avec pratiquement tous les doigts. Avec tous les doigts, j'arrive à le faire. Là, je te l'ai fait avec le petit doigt. Par contre, quand je le fais avec le petit doigt, l'annulaire est collé au petit doigt. En fait, t'as les deux doigts, t'as l'annulaire qui est collé au petit doigt. Non, il n'y a pas de vibrato là. Si j'étais ton prof, là, t'étais à côté de moi, bah, je te mettrais un coup de règle sur les doigts. Non, il n'y a pas de vibrato là, Philippe. Recommence. Paf! Il n'y a pas de vibrato là, Philippe. Recommence. tu en mets? Ah oui, tu délires. Mais tu en mets pas assez. Par rapport à ce que j'entends et par rapport à moi ce que je fais, t'es loin de ce que je fais, donc il faut que t'en mettes plus. Il faut que tu sois plus ample et plus rapide. Là, voilà, ça commençait à ressembler à quelque chose. Là, celui-là était pas mal. Ça, faut trouver la bonne vitesse de le faire dans l'exécution. Et ouais, apprends à faire péter tes notes à l'aigu. Il n'y a pas besoin de jouer vite. Tu fais n'importe quoi et tu fais une note lente, mais vraiment une note qui pète et qui a du sustain. Putain, tu joues. Ah, jouer vite, c'est une chose, mais t'apprends lentement. Et en apprenant lentement, t'apprends à jouer vite. Essaye un truc, essaye un truc. Tu vas le faire pour faire ton vibrato. Comme t'as pas assez de force, écoute-moi Philippe. Tu vas mettre trois doigts. Tu vas mettre ton index sur le fret sol. Tu vas mettre ton index ton majeur sur le fret.